Voter? Ah ouais, 32. J'arrive pas à voter. Ah, c'est ici, c'est ici. J'ai voté! J'arrête pas de voter, mais vous n'êtes pas assez nombreux pour voter. Les trois quarts, ils comprennent pas qu'il faut voter. When a man. C'est ça la chanson? When a man star. Wagon up a fire. I'm just staying. Stand by me. Stand by me. You're stay. 90. Et je vais m'en aller. When a man. C'est pas ça le découpé de match. Ils sont safe. Pas le début. When a police aussi. Hein. Écoute. Mais c'est qui lance le truc là? Moi je suis juste chanteur. Et en plus il y a un tempo à respecter hein, normalement. Tu vas pas boire un café, il est 18h40, tu vas faire à manger, non? À manger. Envoie un café. Il faut mettre un casque, il y a quelqu'un qui a pas de casque. Fais gaffe à la réception. When the night has gone. Oh putain, il fait loin derrière. Eric. Entendez? Est-ce qu'on m'entend? 6 minutes. C'est précis, ça, 6 minutes. Normalement, la base, c'est batterie basse. Le, toi, Charol, tu dois t'entendre avec le batteur. Tu dois faire le, la ligne de basse avec la batterie. Et après, tout le monde suit. Enfin, normalement. Moi, c'est ça la structure pour moi. C'est, les patrons, c'est le batteur et la basse. Tu crois pas ? Ou alors un pianiste ? Oui ? Eric ? Eric Neva. Mesdames et messieurs, Eric Neva est dans la place. Toi au moins t'as un vrai pseudo, Eric, moi c'est Benjamin. Y'en a marre de ces pseudos. Bon Danny ça va, Danny, Danny c'est Danny. Javi, je sais pas ce que c'est Javi. Javi. François. François, ah ouais. François la classe. François, c'est, je viens de comprendre, putain. Je suis nul. Je suis fatigué. I send an SOS. Oui. Oula. Message in yes. A bottle. Sending an SOS. Ouais. Comment on dit message in a bottle? Ouais, il va trouver. I send an SOS. Oui. Ah bah je t'entends. Je t'entends. Tu remarqueras qu'il y a beaucoup de latence quand on veut discuter. Je compatis mais arrête de parler. Chante. Mais je vais pas chanter tout seul, y a pas de musique. Il faut que tu joues pour que je chante. Je vais chanter a cappella. Je ne chante pas a cappella, Sharon. Vous voulez pas la faire là, Stand By Me là? D'une base pour chanter. Ah, pas mal la version. Les accords, je sais pas. Stéphane, bonjour. De toute façon, il vous reste 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour vous organiser. Ah, si. Allez-y. Moi je suis pas sur mon temps, alors c'est chiant. Moi quand ça me tourne, je chante, y'a pas de problème. Mm-hmm.